quand on aura beaucoup dansé, beaucoup trop dansé. Quand on aura beaucoup fumé, beaucoup trop fumé, on s'en ira de ce zinzin, et je te prendrai par la main jusqu'à la mer où tout finit au bain de minuit. Quand on aura beaucoup marché, beaucoup trop marché, quand on aura beaucoup flirté, un peu trop flirté, comme le bon Dieu sera couché, j'ai peur qu'on entende siffler tous les serpents du paradis au bain de minuit. Quand on aura tourné, viré, tourné, viré, quand on aura pomme croquée, bien pomme croquée, comme on aura déshabillé ces inconnus que l'on était, on sera vrai comme la vie au bain de minuit. On sera bien fatigué, quand les pêcheurs seront rentrés, les voiles pliées, alors tu me diras ton nom, et moi je te dirai mon nom, et à bientôt, et à Paris, on reprendra dire nos bains de minuit.